Vous aussi, investissez dans l'immobilier neuf en toute sérénité avec Kaufmann et Broad. Et jusqu'au 14 juillet, Kaufmann et Broad vous offre les frais de notaire, la garantie revente et d'autres avantages encore à découvrir en espace de vente ou sur investir.kaufmannbroad.fr. Investir dans l'immobilier comporte des risques. Plus d'informations sur kaufmannbroad.fr. La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Et la suite de notre rétrospective aujourd'hui, 13 années de Tête au Carré, et il était temps que nous recevions le parrain de l'émission, la personne d'Axel Kahn qui est donc avec nous cet après-midi. Avec lui, nous allons revenir donc sur quelques-uns des événements qui ont marqué la médecine et la génétique pendant ces 13 années. Et puis bien sûr, Axel Kahn répondra à toutes vos questions et à vos messages. Vous nous rejoignez comme tous les jours en direct sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Un autre Axel Villard, bonjour Axel. Bonjour Mathieu. À la une aujourd'hui, on transforme la Tour Eiffel en cadran solaire géant, rien que ça. Et oui, c'est une expérience élégante qui va nous ramener aux origines de l'astronomie et de la mesure du temps. On regarde les ombres tourner tout de suite. Et c'est Frédéric Milano qui réalise cette émission préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Bonjour Axel Kahn. Bonjour Mathieu Vidard. Ravi de vous accueillir. 13 années de science tous les jours sur France Inter. Votre ça porte bonheur. Bah oui, votre filleule se porte pas si mal finalement, non? Bah, il se porte tellement bien qu'il est devenu majeur, qu'il est en train de prendre femme, et cette femme est l'environnement, j'ai bien compris. Oui, absolument. Et donc il va la suivre. On va vous faire quelques infidélités à partir de la rentrée. Les questions d'éthique, en tout cas dans la tête au carré, ont été particulièrement présentes hein, tout au long de l'émission. Avec, on l'a suivi hein, toutes ces années, de nouvelles façons de traiter, de soigner, même de créer du vivant. On en a été les témoins évidemment, vous êtes venus régulièrement d'ailleurs les commenter. Les progrès, Axel Kahn, de ce qu'on appelle les technosciences, ça pose vraiment beaucoup, beaucoup de questions, et de plus en plus même, non? Ça pose des questions, mais ça permet également d'envisager des progrès tout à fait remarquables. Il ne faut pas considérer uniquement les avancées de la science par des leur menaces, côté hein. problématique mmh. ou menaçant. Il y a des côtés extraordinairement positifs. Mmh. Durant ces 13 années, il y a eu des remarquables percées dans un domaine qui m'est cher, alors que l'on en parle depuis 30 ou 40 ans, l'immunothérapie, c'est-à-dire la possibilité d'arriver à mobiliser les globules blancs qui nous permettent de nous défendre contre les agents infectieux ou bien contre des greffes non compatibles, les mobiliser contre les cancers, l'immunothérapie des cancers. Oui. On en parlait, mais ça ne marchait pas. Et aujourd'hui, on en parle de plus en plus parce que ça a commencé à marcher. Oui, mais et est-ce ça, que, c'est extrêmement important. Est-ce que ça fait baisser pour autant le nombre de cancers? Non, ça ne fait pas baisser le nombre de cancers. Le nombre de cancers, en réalité, a augmenté. Et il a augmenté pour beaucoup de raisons. La première raison, c'est qu'on vit de plus en plus longtemps. Mmh. Et évidemment, on fait plus de cancers à 70 ans qu'on en fait à 35. Et donc, plus il y a de septagénaires et au-delà, et plus on a de cancers. La deuxième cause, assez évidente, c'est le fait que les femmes ont commencé à se mettre à fumer il y a 30, 40 ans de cela. Et aujourd'hui, la fréquence du cancer du poumon chez les femmes est en train de rattraper la fréquence du cancer chez les hommes, malheureusement. Troisième élément important, c'est l'obésité. L'obésité est un facteur de cancer, c'est tout à fait sûr. Et quatrièmement, il y a sans doute une multitude d'agents de l'environnement dont aucun ne joue un rôle aussi important que la fumée de cigarette, mais globalement, ils sont impliqués sans doute pour une faible part dans l'augmentation de la fréquence des cancers. Mais quoique les cancers sont de plus en plus fréquents, la mortalité par cancer, elle, en fait, est stable et a commencé à diminuer légèrement du fait des progrès thérapeutiques. On parlera de l'épigénétique d'ailleurs aussi avec vous, Axel Kahn, parce que c'est vrai, au cours de ces 13 années, on a vu aussi cela émerger. C'est une notion un petit peu nouvelle au milieu de la génétique. Et bien sûr, vous répondrez aux messages des auditeurs qui ont des questions à vous poser sur franceinter.fr. Quand la Tour Eiffel nous permet de faire de l'histoire des sciences et de lire l'heure, eh bien on se précipite à la une de la science, Axel Villard. Et oui Mathieu, on va célébrer la tenue en novembre prochain à Paris du premier congrès international sur le temps, ça s'appelle Time World. Et à cette occasion, deux chercheurs et une journaliste ont imaginé une drôle d'expérience, transformer la grande dame en gnomon. C'est la forme la plus simple du cadran solaire. Et on va en parler avec vous, Denis Savoie. Vous êtes historien des sciences. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Observatoire de Paris et pour Univers Sciences. Alors comment vous est venue cette idée avec Jean-Philippe Usan et Anne Audroux de hacker la Tour Eiffel pour parler du temps? Ben justement, vous l'avez dit, il y a la Cité des Sciences et de l'Industrie, les 21, 22 et 23 novembre, le Congrès international sur le temps. Et on s'est dit que la Tour Eiffel était le symbole de Paris. Et on s'est dit qu'on allait utiliser ou revenir plutôt à un usage de la Tour Eiffel qui n'existe toujours aujourd'hui grâce aux astronomes. Sans les astronomes, elle aurait été démontée. Or, à la fin du 19e siècle, un pionnier, on va dire, de la radiotélégraphie, le général Ferrier, va, avec Camille Flammarion, avoir l'idée d'utiliser la Tour Eiffel comme centre de radiodiffusion. Donc, on va envoyer des ondes radio depuis l'Observatoire de Paris via un câble à la Tour Eiffel. On va diffuser à 5000 km, ce qui permet de faire des progrès considérables dans les longitudes du lieu. Et puis, on va aussi utiliser, à la fin du 19e siècle, au deuxième étage de la Tour Eiffel, un canon. Le canon qui va sonner le midi moyen local tous les jours, d'où l'expression midi pétante. Il y avait vraiment un boulet de canon qui partait de la Tour Eiffel? Oui, il y avait. Alors, on ne sait pas si c'est un boulet de canon parce que ça faisait du bruit. Hein. Oui. Ça faisait du bruit. Alors, ça existait déjà au Palais Royal avant. Pas du siècle. Trop proche. Oui. Non, alors tous les jours, les Parisiens entendaient un grand boom qui indiquait le midi local. Donc, c'était l'ancêtre en fait de l'horloge parlante qui va être développée à l'Observatoire de Paris dans les années 1930. Donc, on s'est dit avec Jean-Philippe Usan, on va utiliser cette fois-ci non pas le boom ni la radiotélégraphie, mais l'ombre de la tour, parce que on peut utiliser justement cette ombre pour revenir, comme vous le disiez Mathieu, à un usage antique de l'Antiquité, on va dire des gnomons, parce que c'est le premier instrument d'astronomie, et comme le soulignait Axel, ça remonte aux Babyloniens, et ça... On l'a filmé, ça va être sur le site bientôt. Donc dans les faits, vous n'avez pas tracé sur le sol de Paris les traits qui donnent l'heure, hein. C'est une expérience vidéo. Voilà, on a filmé avec un drone le déplacement de l'ombre, du sommet de l'ombre de la Tour Eiffel le jour du solstice d'été. Cette ombre décrit au cours de la journée une hyperbole sur le sol parisien. Et à midi solaire, donc lorsque le soleil est dans la direction du sud géographique, l'ombre est la plus courte possible. Elle mesure à peu près, grosso modo, 143, 150 mètres. Et donc, cette direction qu'on utilise pour indiquer le midi solaire, on voudrait la matérialiser au sol à l'avenir. Comme ça, les Parisiens pourront voir qu'il y a un décalage entre le temps légal et le midi solaire. Alors le gnomon, c'est quoi? C'est juste un bâton planté dans le sol. Quand est-ce que ça a été inventé, si on peut parler d'une invention, et ça a servi à beaucoup de choses? Oui, alors c'est difficile de dire qui l'a inventé précisément. Les premières civilisations, notamment les Babyloniens, 2000 ans avant Jésus-Christ, utilisent ce simple bâton planté dans le sol, bien vertical, pour déterminer des constantes fondamentales de l'astronomie. La latitude du lieu, le fait que l'axe de la Terre est incliné, le passage à l'accumulation d'un astre, et ça va être généralisé après, décliné pour la mesure du temps, ça va donner naissance au cadran solaire. On l'utilise toujours aujourd'hui, ce gnomon? Alors oui, on l'utilise toujours pour deux expériences, alors, en dehors de la Terre, bizarrement. Les missions Apollo ont toutes utilisé des gnomons pour orienter les instruments lunaires. On dirait une blague, ce que vous nous dites. Oui, non, mais je sais, mais c'est pas une blague. Les réflecteurs laser qui sont toujours utilisés aujourd'hui pour le laser lune ou les sismomètres passifs ont été orientés par des gnomons lunaires, et la sonde InSight dont vous avez entendu parler avec l'expérience développée par Philippe Leunionnet et l'IPGP avec le sismomètre SICE, eh bien on a orienté le sismomètre SICE sur Mars avec l'ombre du gnomon. Ça prouve bien que c'est un instrument d'avenir, le gnomon. Et puis ça nous montre aussi quand même que quand on fait de la science, il faut prendre son temps, parce qu'avec le gnomon, il faut attendre que l'ombre tourne pour avoir des informations. Oui, doublement. C'est cette belle maxime veritas filia temporis, la vérité est fille du temps, ce que disait Kepler. Parce que avec le gnomon, en attendant des siècles et des siècles, on a pu mettre en évidence des variations d'éléments orbitaux. Par exemple, c'est comme ça que dans un gnomon un petit peu différent, celui qui se trouve dans l'église Saint-Sulpice à Paris, qui est le plus grand monument astronomique de France, qui est la Méridienne, qui a été tracée en 1743, et bien grâce à ce gnomon astronomique, on va mettre en évidence au XVIIIe siècle que l'axe de rotation de la Terre et bien n'est pas constant. Il subit une fluctuation d'à peu près 47 secondes par siècle. Donc cet astronome, Le Meunier, a attendu au moins 60 temps pour mettre en évidence cette lente fluctuation. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec des instruments aussi simples, on arrive à faire une astronomie aussi perfectionnée. Est-ce que ça marcherait avec un système planétaire à deux soleils? Alors sur Tatooine, par exemple, je sais pas. Oui, ça doit marcher. Ça doit être un peu plus coton parce que là, on a deux ombres. Et à mon avis, l'astronomie sur Tatooine, ça doit être moins simple que sur Terre. Ça doit être plus drôle certainement. C'est où Tatooine? Bah, c'est dans une étoile, autour d'une étoile qui se trouve dans la bordure extérieure de la galaxie, il me semble. D'accord, merci. Alors, cette vidéo qui a été filmée le week-end dernier, elle sera visible à partir de quand? Et qu'est-ce qu'on verra un petit peu? Parlez-nous un peu des images qu'on va découvrir demain alors. Alors, elle va certainement être visible dès demain sur le site Time World 2019. Mmh. Et vous allez voir l'ombre de la Tour Eiffel en accéléré qui se déplace grosso modo depuis, on va dire, les jardins du Trocadéro jusqu'à la fin de l'après-midi. Et vous allez voir sa trajectoire. Donc vous allez voir qu'elle décrit, ce qui est pas évident, une hyperbole, je l'ai dit, au sol. Et on a affiché deux choses, à la fois le temps légal et en même temps le temps solaire vrai. Et ça se déplace très vite. Je rappelle que c'est au voisinage du solstice d'été que à midi, les ondes tournent le plus vite. Et en une minute, l'ombre de la Tour Eiffel se déplace à peu près 1m40, 1m50. Donc ça va très très vite. Si on veut la suivre, il faut avancer un peu. Donc si on veut courir après le temps, on va aller à plus de la Tour Eiffel. On aura vraiment l'occasion de le faire. Exactement. Comment vous allez aborder cette question du temps d'ailleurs au Congrès international, le Time World? C'est le temps légal, le temps relatif? Comment vous allez... Alors il y a plein de conférenciers, il y a des sociologues, il y a des philosophes, il y a des spécialistes du temps, il y a des astrophysiciens. Chacun va parler de sa façon d'appréhender le temps. Il y a même, je crois, des médecins pour la chronobiologie. Exactement. Et donc, du coup, chacun va parler de sa conception du temps. Moi, je vais parler du temps astronomique, par exemple, et ce temps long qui est indispensable pour l'astronomie. Et c'est à la Cité des Sciences, et je crois qu'on peut encore s'inscrire. Voilà, Cité des Sciences et de l'Industrie, 21, 22, 23 novembre, vous pouvez vous inscrire. Inscrivez-vous, ça va être absolument extraordinaire. Il y aura des gens de grande qualité, c'est très divers. Voilà, on était très heureux de parler du gnomon lunaire, grâce à vous aujourd'hui. Entre autres, Denis Savoie, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui à la Une de la Science. Axel, merci, on se retrouve demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, un petit oiseau bleu qu'on pensait gris. Pour la première fois, des chercheurs réussissent à prédire la couleur d'un oiseau préhistorique nommé Eocoracias brachyptera. Le processus de fossilisation fait bien souvent disparaître une partie de l'information pigmentaire. Et bien, grâce à une enquête microscopique et évolutive poussée, des chercheurs de Bristol ont réussi à faire renaître la véritable couleur de cet oiseau ancien. Avec leurs travaux, c'est peut-être de nombreux fossiles qu'on pensait gris ou brun à tort et qui pourraient bientôt retrouver leur couleur perdue. Le microbiote peut améliorer les performances sportives après avoir remarqué que les grands marathoniens avaient davantage de bactéries nommées Veionella que la population normale dans leurs intestins. Des chercheurs se sont intéressés à ces bactéries et il s'avère qu'elles sont spécialisées dans la dégradation de l'acide lactique, un des déchets produits par les muscles pendant l'effort. Ces chercheurs ont ensuite injecté ces bactéries à des souris et surprise, elles se sont révélées 13% plus endurantes que leurs congénères. C'est une étude parue dans la revue Nature Medicine. Axel Kahn. En effet, parce que cela permet de transformer le lactate en une molécule riche en énergie. Et donc de rajouter un peu de carburant alors qu'on considérait qu'on était avec les sous-produits du carburant antérieur. Alors on voit très bien, avant le sprint ou le marathon, tous les sportifs sur le stade se faire un lavement, ce serait extraordinaire. Vous savez que chez les enfants aussi, il y a exactement le même processus que chez les marathoniens, on en avait parlé d'ailleurs à la Une de la Science. Et puis pour terminer, 2008 KV2, il est classé potentiellement dangereux par la NASA, cet astéroïde qui tourne avec nous autour du Soleil passera près de la Terre dans la nuit de jeudi à vendredi. Rassurez-vous, il se glissera entre la Terre et la Lune mais ne devrait pas nous toucher. Pourquoi est-il tout de même classé dangereux? Car il est gros, 300 mètres de diamètre, soit 3 terrains de foot, c'est pas si mal. Mais aussi parce que lors de sa première détection en 2008, un protocole d'urgence simulé avait été imaginé pour le détourner. Un exercice peu concluant d'ailleurs, car dans sa réalisation par ordinateur, un des débris avait touché New York. Donc soyez quand même rassurés malgré tout. Allez, le parrain de la tête au carré, Axel Kahn, avec nous dans un instant. Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe? Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé? Quand va la saison jolie, les jeunes filles les ont cueillies. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Qui peut dire où vont les filles du temps qui passe? Qui peut dire où sont les filles du temps passé? quand va le temps des chansons, se sont données aux garçons. Quand saurons-nous un jour, quand saurons-nous un jour? Mais où vont tous les garçons du temps qui passe? Mais où sont tous les garçons du temps passé? Lorsque le tambour roula, se sont faits petits soldats. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Mais où vont tous les soldats du temps qui passe? Mais où sont tous les soldats du temps passé? Sont tombés dans les combats et couchés dessous leur croix. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Il est fait de tant de croix, le temps qui passe. Il est fait de tant de croix, le temps passé. Pauvre tombe de l'oubli, les fleurs les ont envahies. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe? Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé? Sur les tombes du mois de mai, les filles en font des bouquets. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous jamais? Ça vous plaît, Axel Kahn? Oh, j'aime énormément. En plus, vous savez que je suis un grand marcheur. Et je me rappelle avoir marché dans les champs de bataille, dans l'Argonne en particulier, avec ces milliers et milliers de croix, et j'ai envie de pleurer quand j'écoute ça. Mais c'est très beau, où vont les fleurs, Marlène Dietrich. La tête au carré, Mathieu Vidard. Axel Kahn avec nous, le parrain de la tête au carré, et c'est évidemment ensemble que nous revenons sur ces 13 années d'émission autour de la médecine et de la génétique, hein, votre spécialité, vous qui êtes généticien, et puis bien sûr les auditeurs qui nous rejoignent avec les messages, toutes les questions sur franceinter.fr et le mot-clé d'attaque. Justement, grâce à vous Axel Kahn, on parlait tout à l'heure de marathonien, d'acide lactique, on a mesuré à quel point il était intéressant non seulement de réfléchir à la science, mais également de le faire en faisant travailler notre corps. Et ça change tout, hein. On peut pas être juste une tête pensante, notre corps aussi nous aide finalement à assimiler toutes ces informations que la science nous offre. Alors ça, je crois que c'est tout à fait important. Pour ce qui me concerne, je suis incapable même de penser sans marcher. C'est vrai? Même dans votre bureau? Même dans mon bureau, sans avoir au moins un peu marché. Ouais. Aujourd'hui, j'ai essayé de marcher avant que la canicule ne m'arrête. Ouais. Mais il me manque quelque chose. Et de toute façon, énormément des énigmes que j'ai pu résoudre, je les ai résolues, qu'elle soit d'ordre philosophique ou scientifique, en marchant. Ouais. On l'a dit souvent avec vous, hein, parce que d'ailleurs, un de vos derniers ouvrages s'appelle Chemin, et vous revenez là-dessus. Vous avez beaucoup rencontré les Français au cours de vos marches. Est-ce que les questions environnementales qui vont être au cœur de la Terre au carré à partir de la rentrée sur France Inter ont été largement abordées par les personnes que vous avez rencontrées? À dire vrai, pas largement. Mm-hmm. Les problèmes abordés étaient beaucoup plus de ceux qui sont à l'origine de la crise sociale que l'on a vécue avec les Gilets jaunes. J'avais prédit d'ailleurs que dans ces territoires très éprouvés, il y avait des populations en sécession. Mmh. Et donc j'avais un peu décrit, non pas ce qui allait se passer, mais en tout cas la potentialité que ça se passe, et j'en ai expliqué les caractéristiques. J'ai expliqué également quels étaient les soucis, mais également les atouts des agriculteurs. Réellement, D'ailleurs, on l'a bien vu au début du mouvement des Gilets jaunes, c'est pas les problèmes de climat qui, au départ, étaient les plus prégnants, puisqu'au contraire, c'était des restrictions à l'utilisation du diesel et de la voiture qui a constitué l'élément déclenchant, l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. C'est une question plutôt qui intéresse les urbains, alors finalement, ces questions environnementales, selon vous ? Non, je crois que maintenant, il y a une vraie conscience de l'importance de ces problèmes. Tout d'abord parce qu'il y a des conséquences sur l'agriculture. Une des conséquences qui est extrêmement perceptible, c'est que, par exemple, dans le sud de la vallée du Rhône, c'est un énorme problème, les vins deviennent trop forts. Ne pas pouvoir boire un Châteauneuf du Pape à moins de 15 degrés ou 14 degrés, 5, 15 degrés, il va falloir essayer de faire quelque chose. Et puis, dans d'autres cultures, c'est vraiment un gros problème. Donc, il y a ce souci. Et puis, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que le potentiel de générosité, d'enthousiasme et de mobilisation de la jeunesse s'est réveillé à propos du climat. C'est vrai. Et cela est vrai de la jeunesse agricole comme de l'autre. Et on en parlera d'ailleurs évidemment abondamment à partir de la rentrée. Axel Kahn, le 4 septembre 2009, nous lancions avec quelqu'un que vous connaissez bien, Jean-Claude Amezen, un nouveau rendez-vous dans l'émission en pleine épidémie de grippe A. Je vous propose de réécouter Jean-Claude Amezen à cette époque sur ce qu'il nous disait justement. La grippe H1N, le virus H1N. Cette épidémie, oui. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans la Tête au Carré. Violaine Ballet réalise l'émission et vous allez découvrir aujourd'hui un des nouveaux rendez-vous de notre magazine scientifique. En effet, chaque premier vendredi du mois, j'aurai le plaisir de partager cette heure d'antenne avec Jean-Claude Amezen, que nous avons déjà reçu dans l'émission les saisons passées. Et nous avons eu envie de le retrouver régulièrement pour nous poser et prendre le temps de réfléchir ensemble afin de dégager des pistes de réflexion et prendre du recul sur ce qui suscite des interrogations dans le monde très vaste de la science. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez vous, j'ai envie de dire, puisqu'on va se retrouver donc tous les mois. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous, Jean-Claude Amezen ? Alors, je suis médecin, je suis chercheur, je suis immunologiste. Et puis depuis quelques années, je suis de plus en plus intéressé par la réflexion éthique. Et donc je fais partie d'instances éthiques, je suis membre du comité consultatif national d'éthique et président du comité d'éthique de l'INSERM. Dos, un, quatre, tres. La tête au carré. Tu vois un carré? Tu vois une tête? Carré. Zut, tout a dû sauter, attendez, ne bougez pas, je vais arranger ça. Jean-Claude Amezen, vous êtes donc avec nous pour ce nouveau rendez-vous chaque premier vendredi du mois. On va ouvrir la discussion de ce premier rendez-vous sur la grippe A avec beaucoup de pistes de réflexion, les messages des auditeurs qui arrivent déjà sur franceinter.com. Alors, quels enseignements est-ce qu'on peut tirer justement des débuts de cette mobilisation internationale, de sa gestion et donc de la couverture médiatique qu'on lui accorde ? Alors d'abord, je crois qu'il faut se rappeler que cette mobilisation a commencé avant. Elle a commencé il y a 3-4 ans, devant une menace qui était la menace de grippe aviaire H5N1, qui, heureusement, ne se propageait pas ou très peu à l'homme, mais qui, lorsqu'elle se propageait, entraînait une mortalité considérable, de l'ordre de 50%. Et donc, c'est la crainte d'une pandémie à partir de cette grippe aviaire qui a commencé au niveau national et au niveau international, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, à essayer de préparer un plan qui puisse répondre à cette menace. Donc je crois que c'est vraiment, le problème n'est pas, me semble-t-il, et surtout au niveau de démocratie dans lequel nous vivons, n'est pas de savoir s'il faut taire ce qui serait inquiétant et ne parler que de ce qui est rassurant. La question, c'est comment est-ce qu'on traduit une information, non pas simplement d'une manière émotionnelle instantanée, mais dans la construction de la réponse qui soit la meilleure possible. Voilà, c'était en septembre 2009, donc Jean-Claude Amezen au micro de la Tête au Carré, Axel Kahn, et quelques mois avant, en juin, l'OMS avait, devant l'ampleur de l'épidémie, qualifié la situation de pandémie, justement, autour de la grippe A H1N1. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cet épisode ? Quels enseignements, finalement, on peut en tirer ? Deux enseignements. Tout d'abord, c'est un rappel, comme l'a dit Jean-Claude Amezen, de ce que ces épisodes de maladie de pandémie virale, nous les avons connus, nous les connaîtrons. Il n'est pas envisageable que dans notre société, ces épisodes ne se reproduisent pas. Et en réalité, il y a beaucoup de raisons pour qu'ils se reproduisent de plus en plus souvent, du fait des transports, du fait des transports des animaux, également, c'est extrêmement important. Et toutes les interactions. Parfois, du fait des interactions croissantes avec des animaux avec lesquels on n'interagissait pas, c'est un élément fondamental pour le sida, en particulier avec la déforestation, pour ce qui est de l'Afrique. Et parce que Ces maladies virales sont des formes particulières de maladies dues à des agents vivants qui agressent notre vie. Et il faut savoir que la vie s'adapte toujours aux armes que l'on développe contre elle. Et donc c'est vrai des cancers, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai des bactéries, c'est vrai des virus. On ne peut pas considérer que l'homme en aura fini une fois pour toutes. Parce que de la même manière que l'homme évolue, eh ben, les maladies humaines qui sont liées à des agents vivants, ces agents vivants, ils évoluent eux aussi. Avec la faculté de créer du nouveau en plus. Hein. En tout cas, du nouveau pour arriver à surmonter ce que sont les cuirasses que nous tentons de développer, ou les armes que nous tentons de développer pour nous opposer à ces agents. Donc il faut savoir que dans notre humanité, on va faire des progrès extraordinaires, mais on n'en aura jamais fini complètement avec les maladies bactériennes, avec les maladies virales, et sans doute jamais complètement non plus avec les cancers. Donc les maladies émergentes également. Jean-Claude Amezen parlait de l'aspect émotionnel dans cette gestion de la grippe A à l'époque. Vous avez eu ce sentiment aussi Oui, mais moi j'ai été très ému. J'étais président d'université. Et il y avait dans mon université l'un des principaux responsables de la médecine en santé publique, qui était un épidémiologiste, et il fait partie de ceux qui prévoyaient qu'il y aurait sans doute plusieurs millions de personnes qui seraient atteintes en France. Il était venu me voir en me disant, tu sais, à 10% d'étudiants dans ton université, il y en avait 40 000, à 10% d'étudiants dans l'université atteints, il faut que tu fermes l'université. Ouais. Alors moi, je me suis fait vacciner, j'ai essayé de faciliter la vaccination et j'ai préparé la fermeture de l'université. Et de manière très claire, j'ai fait investir plusieurs centaines de milliers d'euros de telle sorte que après la fermeture de l'université, les cours en ligne ne soient pas interrompus. Alors ça m'a permis de gagner extraordinairement de capacité dans l'informatisation et l'enseignement en ligne de l'université. Heureusement, on n'a jamais fermé l'université et il n'y a jamais eu plus de quelques dizaines de cas dans notre université. Sûr. Donc ça veut dire qu'il faut se méfier aussi de la contagiosité de l'émotion, alors finalement, dans le traitement d'affaires comme ça sur le plan sanitaire. Il faut se méfier, c'est très difficile parce que ce garçon... Et là on parle en pleine canicule parce qu'on peut aussi... Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une très grande incertitude, voyez. Bon, vous vous rappelez, dans un épisode très antérieur, Le Monde avait indiqué qu'il y aurait jusqu'à 1 million de personnes, et dans ce cas-là, la mortalité était de 100%, atteint des équivalents humains de l'encéphalite spongiforme. L'équivalent de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. C'était totalement effroyable. C'est pas vrai du tout, il y en a eu quelques dizaines, pas beaucoup plus. On ne sait pas, il y a une très grande incertitude. En plus, les génomes des virus, c'est la raison pour laquelle ils réémergent, sont d'une très grande habileté à changer. Et changeant naturellement, ils arrivent à contourner les moyens de défense que l'on a développés. Mais on ne sait pas comment ils changent. Il y a un caractère qui est totalement aléatoire. Et les ministres, par exemple, ont été très très critiqués parce qu'ils ont commandé des doses phénoménales de vaccins dont on ne s'est pas servi en réalité. Mais je vois bien, moi je ne vais pas leur jeter la pierre. C'était très difficile pour un ministre à qui des spécialistes disent, vous savez, il va y avoir des millions de personnes et c'est une grippe très grave. C'était très difficile de ne pas faire ça. Et donc il y a une incertitude. Il faut l'intégrer à la gestion des phénomènes et de la santé publique. Muriel nous dit, immunothérapie pour lutter contre le cancer, est-ce que ça n'est pas une impasse dès lors que l'on vient de découvrir que les tumeurs étayent leur développement sur des cellules cérébrales migrantes? Non, ça n'est pas une impasse en réalité. Il y a deux types justement de thérapies, de stratégies nouvelles en immunothérapie. Et l'une des stratégies justement va essayer de contrecarrer les mécanismes par lesquels des cellules cancéreuses éteignent la réaction des cellules immunitaires. On a aujourd'hui des produits, des anticorps avant tout, qui arrivent à inhiber cette inhibition des cellules immunitaires, ce qui veut dire que la cellule immunitaire est désinhibée et se met à tuer le cancer. Et il y a des bons résultats, y compris dans certains cancers du poumon. Axel Kahn, notre invité aujourd'hui pour cette rétrospective de la tête au carré. On fait claquer la porte du saloon. Les figurants aux yeux noirs se retournent. Un silence pesant règne dans la salle. Nonchalant, impassible, on s'installe. À la fenêtre, le spectacle commence. Au loin, la poussière d'une diligence. Deux cow-boys mal rasés, le regard louche. L'arme au poing pour ne pas rater le coche. sont embusqués de part et d'autre du chemin. Ça va péter, va y avoir du sang sur les mains. Toi t'as la tienne sur mon revolver. Je ne tiens plus, mon pouce s'accélère. Non, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Au passage du convoi très convoité, les deux brigands cinglés font siffler leurs balles. Contre ma cuisse, mon colt est chargé. Tu me regardes et les chevaux s'emballent. Le lourd chariot se renverse sur le côté. Les bagages et les passagers ventrés. Les assassins enfin s'emparent du pognon. Tu me retiens par le bout du canon. Non, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Western Eros, c'était Abel Cherem. La tête au carré. Sur France Inter. Voilà, 13 ans de science et beaucoup de sujets évidemment autour de la médecine et de la génétique. Axel Kahn, avec vous qui êtes notre invité et le parrain de l'émission, je le rappelle. Alors, un autre moment important, c'était au mois d'août 2010, puisque nous discutions avec le chirurgien plasticien Laurent Lantieri, qui avait effectué en juin, qui précédait cette émission, la première greffe totale de visage au monde. Son patient s'appelait Jérôme Hamon, il s'appelle d'ailleurs toujours Jérôme Hamon, et on écoute un extrait de l'émission, on la commente ensemble juste après. Professeur Laurent Lantieri, vous êtes donc en direct de Fairbanks en Alaska, vous rentrez donc en France, hein, vous le disiez, dans quelques heures. Des nouvelles d'abord de Jérôme, comment va-t-il deux mois après cette greffe totale du visage? Il va extrêmement bien, à tout point de vue. D'un point de vue purement local, la face est extrêmement bien, il n'y a aucun signe de rejet. Il est déjà rentré chez lui plusieurs fois, il rentre le week-end, donc ouais. C'est-à-dire que, au point de vue déjà... médical, cela va bien, mais aussi au point de vue intégration sociale, puisque la première fois où il est rentré chez lui, il a pris le train, accompagné par sa mère, qui l'a accompagné dans le train, et le train pour aller en Bretagne, où habitait toute sa famille, pour les rejoindre et pour fêter un petit peu tout ça en famille. Donc ça va très bien. D'un point de vue immunologique, pour ce qui est des problèmes de rejet, on est encore dans une phase qui est une phase de... je ne dirais pas critique, mais une phase de surveillance intensive où il y a encore des traitements, ce qui nécessite qu'il soit encore hospitalisé dans le courant de la semaine, pendant 2-3 jours toutes les semaines, pour avoir quelques traitements. Mais il va extrêmement bien. Donc il peut parler, il peut s'alimenter normalement? Oui, oui, ça, il peut parler, s'alimenter, bien sûr. Parler normalement, non, puisque les lèvres ne bougent pas complètement, mais vous pouvez quand même parler quand les lèvres ne bougent pas. Hein. Mm-hmm. Simplement, les labiales sont difficiles à prononcer. Une telle opération demande énormément de préparation? Alors, ça est dans le cadre d'un programme, hein, d'un programme hospitalier de recherche clinique, qui sont des programmes qui sont financés par le ministère de la Santé et des prélèvements qui sont faits sur l'assurance maladie. Et ce patient est quand même notre cinquième greffé, donc il y a une préparation auparavant. C'est un projet de faire ses greffes de visage, j'aime pas le terme, mais greffe de face, puisqu'on greffe la partie anatomique de l'être humain et non pas son expression. L'expression, c'est le visage, et l'anatomie, c'est la face. Et la partie que nous greffons nécessitait bien évidemment auparavant des essais sur cadavres. On a fait des dissections, des recherches en amont au point de vue immunologique, et tout ça permettant de mettre en place ce programme de recherche. J'ai commencé à travailler là-dessus en 2000-2001, donc nous sommes maintenant pratiquement 10 ans après. Oui. Ce qu'il faut voir, c'est que on parle beaucoup de première mondiale. Vous savez, pour un patient, être le premier traité n'a strictement aucune importance. Ce qui est important, c'est d'être le mieux traité. Ouais. D'être le mieux traité. Axel Kahn, c'était donc il y a 9 ans, en 2010, la première greffe totale de visage, avec une pratique qui reste quand même assez peu répandue, hein, encore aujourd'hui. Oui, ça reste quand même une thérapeutique héroïque. Il y a eu dans le monde, je n'ai pas fait le compte exact, mais il n'y en a pas eu un nombre considérable. Une quarantaine d'opérations depuis 2005. Hein. Voilà, une quarantaine d'opérations, avec pas mal de rejets, un certain nombre de morts. Ce qu'il y a, c'est que je me rappelle très bien avoir été interrogé à ce moment-là sur mon sentiment et notamment sur mon appréciation éthique de cet essai héroïque. Et j'avais bien conscience que c'était héroïque et que les risques étaient tout à fait importants. Mais qu'est-ce que la vie d'une personne qui n'a plus de visage? Comment peut-on vivre une vie proprement humaine sans visage? Ça renvoie directement au prix Goncourt, au revoir là-haut. Vous voyez très bien, c'est absolument épouvantable. Et donc, à partir du moment où une personne est tout à fait informée de ce que c'est un traitement héroïque, que le visage ne retrouvera pas totalement sa mobilité, qu'il y a des risques de rejet, que le traitement pour éviter les risques de rejet n'est pas un traitement anodin, qu'il peut favoriser l'apparition des cancers, etc., etc. Quand cette personne dit « Écoutez, tous ces risques, je les accepte parce que actuellement je ne vis pas une vie humaine, je survis », comment ne pas essayer de mettre en œuvre ce traitement héroïque. Alors ce patient Jérôme Hamon a d'ailleurs subi en janvier 2018, sa seconde greffe de visage. Car il a fait un rejet qu'on n'a pas réussi à maîtriser. Et c'est le premier homme au monde à avoir subi justement deux greffes de la face. Comment on reconstruit quand même, parce que c'est aussi une question, hein, au-delà évidemment de l'acceptation, comment on reconstruit son identité avec un nouveau visage, Axel Kahn? Alors ça, je peux pas vous le dire, parce que d'abord, on n'a pas pu faire d'enquête psychologique. Il y a un nombre bien trop réduit de malades et de greffes qui ont réussi dans la durée. Et j'imagine en plus que ça doit être extrêmement variable. Celui qui a été pas mal interviewé, et j'ai eu vent comme vous sans doute de ces interviews, c'est Jérôme Hamon. Oui. On n'a pas l'impression que lui, ça lui posait énormément de problèmes. Il le voyait vraiment comme la possibilité de réapparaître. C'est-à-dire qu'il y avait une longue période où il ne vivait pas vraiment. Alors c'était long, c'est avant la première greffe. Et puis la réaction de rejet a été terrible. Pendant un certain temps, on a été obligé d'enlever tous les tissus nécrosés. Parce que ça donnait des infections, donc il avait le visage à nu, des infections les unes sur les autres, c'était tout à fait terrible. Et donc là, il a un nouveau visage, je ne sais pas ce que ça va donner, mais il revit. Et le temps qu'il a à revivre, à pouvoir se regarder et à pouvoir considérer qu'il est un humain parmi les humains, de toute façon, c'est tout à fait inestimable. Patrice nous envoie un message sur franceinter.fr au sujet des greffes de cœur, cette fois-ci. Lors de sa thèse sur les transplantations cardiaques, le sociologue Julien Biaudet insiste sur le fait que la greffe est régie par des normes sociales. Une des plus grandes difficultés, écrit-il, du monde médical n'est-elle pas de pouvoir établir justement des ponts entre le corps et l'environnement social? Selon vous, Axel Kahn, les médecins sont-ils suffisamment préparés à cette dualité? Écoutez, Qu'est-ce qu'il entend exactement par là? Voilà, je n'ai pas lu cette thèse, alors je ne vais pas dire des bêtises car je risquerais de répondre à côté de la plaque. S'il s'agit de dire qu'il y a des biais socio-économiques pour la greffe, normalement, et c'est vrai pour les greffes, il me semblait, et quand j'ai regardé de près c'était le cas, qu'on les évite. Alors, dans le cas de la greffe de cœur en particulier, j'ai pas de raison majeure de considérer qu'il y aurait des biais socio-économiques. Mais n'ayant pas lu la thèse, je ne sais pas exactement ce que ce chercheur avait en vue. Axel Kahn, dans un instant, nous allons parler d'une autre innovation très très importante de ces dernières années. C'est autour de l'ADN, c'est la technologie CRISPR-Cas. On en discute dans un instant avec Emmanuel Charpentier, mais on écoute avant cela Vampire Weekend. Didn't rain. I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all it's suffering. Oh Christ. Am I good for nothing? But I've been cheating through this life. And all it's suffering. Oh Christ. Am I good for nothing? Baby, I'm This Life, c'était Vampire Weekend. La tête au carré. Sur France Inter. Axel Kahn avec nous pour encore un quart d'heure et pour commenter donc les événements marquants dans le domaine de la santé et en particulier de la génétique. Axel Kahn, en avril 2016, je recevais Emmanuel Charpentier, qui est la co-découvreuse de ce système CRISPR-Cas avec Jennifer Doudna. Alors, essayez de nous expliquer un petit peu, de nous résumer ce qu'est cette technique et de quelle façon elle a émergé finalement dans le champ de la génétique. Depuis que l'on fait du génie génétique, des manipulations génétiques, comme on dit, pour les condamner souvent, ce que l'on espère, c'est faire beaucoup mieux que simplement rajouter un bout d'ADN, ce qui est la base de la transgénèse. Alors, on a commencé chez les souris à avoir une méthode qui permet de remplacer un bout du génome par très précisément un bout que l'on rajoute, qu'on appelle la recombinaison homologue. C'est-à-dire ça, on sait faire. Donc on remplace un gène défaillant ? Un gène défaillant, ou alors on fait des manipulations pour tester l'efficacité, pour tester l'influence d'un système physiologique. C'est soit de la recherche, soit des recherches effectivement pour préparer des thérapies géniques, par exemple, si vous voulez. Mais c'est très très utilisé. Mais on espérait faire mieux. Et ce qu'ont fait Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier, qui travaillaient ensemble, c'est qu'elles travaillaient, elles, sur la manière dont des bactéries s'y prenaient pour se défendre contre un virus. Et elles ont vu que pour se défendre contre les virus, ces bactéries avaient donc un système qui reconnaissait par appariement, vous savez que dans les gènes qui s'assemblent se ressemblent, donc par appariement qui reconnaissait le génome invasif, le génome du virus, et ensuite à cet endroit-là le dégradait. Et elles se sont demandé, mais est-ce que ça ne serait pas un moyen très précisément pour ouvrir l'ADN de n'importe quelle cellule avec ce système-là, à condition de prendre le bon ARN, le bon matériel d'appariement. Et donc, elles ont développé ce système, au départ c'était CRISPR-Cas9, qui s'est révélé extraordinairement efficace, et avec cette méthode, on peut faire plusieurs choses. Donc, on a, si vous voulez, un bout d'acide nucléique, c'est de l'ARN en règle générale, qui va s'apparier avec une région du génome, parce que les bases sont complémentaires, vous avez ACG, T, tout ça, ça s'apparie, la double hélice est complémentaire, les deux hélices sont complémentaires l'une de l'autre. Au niveau de l'appariement, il y a un complexe enzymatique qui est la Cas9, qui va ouvrir l'ADN. Et là, on peut faire plusieurs choses, ou bien ne rien faire, et ça fait une inactivation du gène au niveau duquel on a fait un trou. Ou alors, on peut combler le trou par une séquence qui est déjà contenue dans l'ARN d'appariement, dans le guide, on appelle ça l'ARN guide. Et dans ce cas-là, on peut modifier une base, deux bases, trois bases. Donc, on peut réparer une mutation. Ou alors, on peut rajouter complètement un nouveau gène, mais à un endroit que l'on connaît, et dont on sait que le rajout de ce gène à cet endroit que l'on connaît n'aura pas d'effet défavorable. Et donc, c'est un outil d'une extraordinaire efficacité pour faire ce qu'espéraient faire depuis le début du génie génétique les généticiens moléculaires. Donc, on coupe et on colle, hein. On peut faire voilà, ça... On coupe et soit on fait rien, ça inactive, soit on répare, on modifie, on appelle ça de l'édition. Absolument. L'édition de précision. Ouais. On édite de précision, alors on fait de la transgénèse, on rajoute un nouveau gène à un endroit extrêmement précis. Alors on va écouter la voix de la découvreuse, la co-découvreuse de cette technique, CRISPR-Cas9 en l'occurrence, mais il y en a d'autres. C'est Emmanuel Charpentier. Maintenant, au départ, c'était CRISPR-Cas9. Ouais. Et c'est Emmanuel Charpentier qui était dans La Tête au Carré en avril 2016. La Tête au Carré, l'actualité des sciences sur France Inter. La femme que nous recevons aujourd'hui fait partie des scientifiques les plus influentes sur la planète internationale. Son domaine, c'est la modification des génomes par le biais d'un mécanisme appelé CRISPR-Cas9. Elle a déjà été couverte de prix avec sa boîte à outils, qui pourrait bien lui valoir d'ailleurs un prix Nobel. Tout le monde lui prédit déjà maintenant. Nous en profitons donc de l'un de ses rares passages en France pour un entretien inédit dans La Tête au Carré. Emmanuel Charpentier, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous remercie. Parmi les nombreux prix que vous avez reçus, c'était en 2014, récompensé par une fondation américaine de la Silicon Valley. C'était il y a quelques mois en Californie. Grand show à l'américaine pour la remise d'un prix international prestigieux. Ladies and gentlemen, Cameron Diaz and Dick Costello. L'actrice Cameron Diaz et le PDG de Twitter viennent récompenser deux femmes, mais il n'est pas question de show business, elles sont microbiologistes. Les deux femmes que nous allons récompenser ont réussi à comprendre comment éditer notre code génétique. Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna. La blonde est américaine, la brune française. Ensemble, ces deux chercheuses ont révolutionné le monde de la génétique. Ce jour-là, elles remportent le prix scientifique le plus généreux du monde, 3 millions de dollars. C'est assez surréaliste de recevoir ce prix des mains de Cameron Diaz. Nous sommes trois femmes puissantes et je me demandais, c'est vous Charlie ? Vous êtes une femme puissante, Emmanuel Charpentier, aujourd'hui ? Vous le dites en tout cas. Non, ça c'était une... C'était pour détendre l'atmosphère. Mais quand même. Non, ce qui est puissant, c'est la technologie. Donc ce qui est puissant, je pense que c'est plus la... Plus le chemin de découvrir différents mécanismes et de se rendre compte que oui, on a la possibilité en tant que chercheur de pouvoir découvrir un mécanisme qui peut avoir une implication qui est très puissante. Mais voilà, derrière il y a une équipe. Je reste un scientifique comme tous mes collègues qui sont aussi puissants que moi. Au jour le jour, j'ai une équipe, j'ai les problèmes de gérer une équipe, le financement comme les chercheurs français. Comme les chercheurs français. On en parle souvent ici. Qui sont extraordinaires. Comme beaucoup de chercheurs dans le monde. Donc je pense que ce qui est puissant, c'est la technologie. Et après, bien sûr, il y a la répercussion puisque c'est une technologie puissante. Donc. Axel Kahn, une technologie puissante, certes, mais est-ce que cette technologie peut tout faire sans danger ? Ce que faisait la recombinaison d'ADN, les manipulations d'ADN auparavant, elle peut le faire moins cher, plus rapidement, plus précisément. Et si la précision est un élément de diminution de l'incertitude, avec moins de danger, moins d'incertitude, moins de risque potentiel, on va dire. Cela étant dit, sans danger, non. En particulier, ce système, je vous ai dit que grâce à cet ARN guide, il arrivait à agir à un niveau très particulier du génome, c'est pas totalement vrai. Il a quelques actions ailleurs. Soit parce qu'on ne sait pas pourquoi, soit alors parce qu'il y a ailleurs des séquences, des successions ACGTT, l'alphabet génétique, qui ressemblent un peu à la séquence que l'on a ciblée. C'est ce que l'on appelle les sites non voulus et les effets indésirables. D'autre part, le grand danger pour certaines applications, c'est que la méthode est tellement puissante que ça peut révéler éventuellement de fous projets. Il y a des projets qui sont totalement démesurés et l'un des problèmes tout à fait importants, évidemment, c'est que ça fait très longtemps que l'on parle du transhumanisme par acquisition de nouveaux traits génétiques, soi-disant favorables pour créer de nouveaux lignages humains. Jusqu'à présent, on en parlait, mais on imaginait de le faire un peu beaucoup plus avec l'intelligence artificielle, les interfaces homme-machine, avec CRISPR-Cas9. Eh bien, tous ceux qui rêvent de s'engager dans cette voie-là savent qu'ils pourraient utiliser cet outil pour le faire. Ouais. Mais on l'utilise aujourd'hui concrètement pour la thérapeutique ou pas ? Alors, on commence à l'utiliser. On l'utilise partout pour la recherche. Ouais. On l'utilise pour la recherche en agronomie, pour la recherche... Est-ce qu'il y a des applications pour les personnes, les malades ou pas ? Pas encore aujourd'hui, mais il va y avoir. La thérapie génique, il y a des thérapies géniques que l'on fait, vous rappelez les enfants bulles, etc. Aujourd'hui, quand il y a des enfants bulles, il y a donc une mutation d'un gène qui code un récepteur qui permet aux globules blancs de proliférer en réponse à un signal, une cytokine. Ce que l'on fait, c'est toujours les thérapies géniques, on va dire d'ancienne manière, c'est qu'on rajoute un gène qui lui fonctionne, alors que le gène endogène lui fonctionne pas. Ça serait beaucoup mieux de prendre des globules blancs... les globules blancs précurseurs, et de réparer le gène muté, de faire de la microchirurgie réparatrice du gène. Et avec CRISPR-Cas9, on ne l'a pas encore fait, mais évidemment, on le fera. Et a priori, ce sera moins dangereux, moins incertain que la technique actuelle. Alors, donc oui, ça a des perspectives thérapeutiques extrêmement importantes. En tout cas, on l'avait commenté abondamment avec vous à l'occasion de la naissance de ces jumelles chinoises en Chine, justement. Voilà. Donc là, c'est vraiment tout à fait l'interface entre le transhumanisme et la thérapie génique. C'est bébé OGM, puisque ce sont les premières petites filles. On rappelle leur nom, c'est Loulou et Nana. Ouais. Nana, en fait, elle est modifiée. C'est une petite fille transgénique, c'est vrai, mais pas comme l'avait voulu le chercheur Yi Zhangqi. C'est-à-dire que normalement, il voulait inactiver les deux gènes qui codent le récepteur du sida. En fait, il en a inactivé qu'un, et donc il y a toujours un récepteur du sida sur les cellules de la petite fille qui peut toujours être infecté. Loulou, effectivement, ne peut pas, en principe, être infecté par le virus du sida, mais il n'empêche que la technique est totalement folle parce qu'elle n'en avait pas besoin réellement pour ce qu'avait prétendu Yi Zhangqi pour n'être pas contaminé par son père, parce qu'aujourd'hui des hommes séropositifs ont des enfants sans aucun problème, sans contaminer ni leur conjointe ni l'enfant. Vous savez, on lave le sperme, on prend un spermatozoïde, on l'injecte directement dans l'ovocyte et c'est tout à fait sans risque. Et puis un problème absolument fondamental, ce gène là qui est CCR5, il code un récepteur pour des agents qui interviennent dans l'inflammation, des chimiokines, peu importe. Ce gène-là, il est très conservé chez les animaux non humains et humains, dans l'évolution. Et quand vous avez un gène qui est très conservé dans l'évolution, c'est que tout de même, il sert à quelque chose de positif. Est-ce qu'il est bien raisonnable de se mettre à créer des lignages où on supprime un gène qu'au fil des millions d'années, l'évolution a fixé, parce qu'il avait quelque chose de positif à faire. On voit bien qu'il y a une immense démesure dans un projet de cet ordre-là. Et donc de la matière sur laquelle réfléchir effectivement. L'épigénétique, ça aussi, on a vu depuis le début de la tête au carré, ce domaine-là évoqué de plus en plus souvent. Il est très important, évidemment. Il est complémentaire de la génétique. Voilà, il est complémentaire. Comment marche le matériel génétique ? Il marche avec le code d'un gène. Le gène, il a un code, par exemple, c'est le plus facile. Il code des protéines qui sont les briques de la cellule. Et quand il est modifié, la protéine est modifiée, la cellule ne marche pas. Mais également, il y a une autre régulation qui est le niveau de synthèse de la protéine. Et ce niveau de synthèse de la protéine, ces phénomènes de régulation, comme l'on dit, sont l'objet de modifications induites par l'environnement. Et ces modifications induites par l'environnement, contrairement à ce que l'on pensait, ne sont pas transmissibles génération après génération, mais peuvent être transmissibles sur un petit nombre de générations. Et c'est un phénomène dont on a vu l'importance. On a commencé à le voir en pathologie. Les petites filles ou les petits enfants, les petits garçons qui naissaient après les famines ou la très grande carence alimentaire dans les Pays-Bas d'après-guerre, non seulement eux ont eu des petits pois, de l'hypertension artérielle, du diabète, mais également leurs enfants ont eu cela. Donc il y a transmission épigénétique, même, hein. Tout à fait cela. Et ce phénomène-là, à côté de la génétique, il ne remet pas du tout en cause la base de la génétique, mais il permet d'affiner la compréhension du mécanisme des gènes. Merci beaucoup, cher parrain de la Tête au Carré, Axel Kahn. C'est avec vous qu'on termine cette rétrospective. Demain, ce sera vraiment la dernière émission. J'aurais bien voulu être avec vous pour la dernière, mais ouais. Je ne pouvais pas. Je suis désolé, je serai à Toulouse. Merci beaucoup, en tout cas, à vous. Et puis demain, pour la toute dernière émission de la Tête au Carré, eh bien, toutes les voix que vous avez entendues depuis 13 ans viendront me rejoindre. Elles ont été nombreuses. Merci beaucoup, Axel Kahn. L'éthique dans tous ses états, c'est un dialogue avec Denis Laffey aux éditions de l'Aube. C'est sorti cette année. Et puis Chemin, ces chemins que vous avez tant parcourir, c'est chez Stock. Merci beaucoup.